la voyais dans ma glace, je lui écrivais des lettres. Et mes copains de classe étaient jaloux peut-être. Je l'imaginais gentille, je me voyais poète. Et je la suivais la nuit, loin des bruits de la fête. Qu'est-ce qu'on est bête à 15 ans quand on embrasse une fille? Mais qu'est-ce qu'on aime à 20 ans quand elle se déshabille? Qu'est-ce qu'on est bête à 15 ans quand on veut faire l'amour? Mais qu'est-ce qu'on aime à 20 ans quand on y croit toujours? J'en ai fait des voyages dans mon cœur, dans ma tête. Je dessinais son visage pour la faire apparaître. Je m'imaginais grand môle, je n'écoutais personne. J'avais le cœur d'un môme et la folie d'un homme. Qu'est-ce qu'on est bête à 15 ans quand on embrasse une fille? Mais qu'est-ce qu'on aime à 20 ans quand elle se déshabille? Qu'est-ce qu'on est bête à 15 ans quand on veut faire l'amour? Mais qu'est-ce qu'on aime à 20 ans quand on y croit toujours? Il y en a eu des frissons, des désirs de rencontre. J'en ai passé des nuits dans mon lit solitaire, à me brûler d'envie et à toujours me taire. Qu'est-ce qu'on est bête à 15 ans quand on embrasse une fille? Mais qu'est-ce qu'on aime à 20 ans quand elle se déshabille? Qu'est-ce qu'on est bête à